In a moment, the concluding dialogue for this unit. But first, that final set of new words and phrases. As usual, listen to the French and repeat it after you hear it the second time. Here goes. Il peut. He can. Il peut. Payer. To pay. Payer. Une carte de crédit. A credit card. Une carte de crédit. Ça dépend. It or that depends. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a? What is it? What's the matter? Qu'est-ce qu'il y a? And now, of course, le petit test. Yes. Listen to the English, give the French equivalent, and then repeat the correct answer. Nous commençons. A credit card. Une carte de crédit. To pay. Payer. What is it? What's the matter? Qu'est-ce qu'il y a? He can. Il peut. And finally, it or that depends. Ça dépend.